Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis Luc Desormeaux et je serai un de vos deux animateurs pour cette belle émission cette semaine. L'autre, c'est mon ami, mon collègue et surtout un papa dévoué, mon ami Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Tu sais où ce que je m'en vais avec ça, hein? Ouais, clairement. Ouais, on n'a pas eu d'émission la semaine passée, je veux vraiment m'excuser aux gens, mais que vous l'acceptiez ou non, malheureusement, la famille passe avant. Et puis le fils de Marc a eu des petits problèmes la semaine passée, s'est fait mal un genou et Marc a dû aller à l'hôpital avec lui pour être sûr que tout était correct. Donc on a eu dû canceller l'émission pour ça, mais comme je dis, la famille passe en premier. Donc, je peux te dire qu'actuellement, il est encore en train de boiter et il continue de... Tu vois, il s'en va justement au moment où on enregistre. Là. Il part justement pour aller se faire soigner encore une fois là, parce que il y a encore des problèmes. C'est ça, c'est pas drôle. Et comme Fiston est étudiant en théâtre, oui. Ben, il y a beaucoup à faire au niveau là, du jeu, de se déplacer et tout. Alors, avoir une jambe en moins, c'est un solide handicap. Fait qu'évidemment, il pouvait pas prendre de chance là-dessus. C'est pas tellement facile. Donc, on y souhaite un prompt rétablissement. Puis, ben, je voulais juste expliquer un peu aux gens pourquoi qu'on a eu dû sauter l'émission. Ça a été vraiment dernière minute. Là, on était supposé enregistrer le soir même, puis c'est arrivé comme à peu près en même temps. Là. Donc, tu as dû quitter. Fait que c'est ça. Donc, effectivement. Mon fils est bon là-dedans. Là. Le timing, il y a le sens du timing. Il y a le sens du drame. C'est ça. Aussi, mais ça, c'est un autre. Bon. Donc, Marc, on va y aller avec nos sujets automobiles. Moi, je veux commencer avec le fait que je suis allé au lors de la performance de Jaguar. C'était le vendredi qu'on était supposé enregistrer. Le vendredi avant qu'on était supposé même enregistrer. Là, j'avais dit que j'allais là dans l'après-midi, puis finalement que j'allais ramener des entrevues et tout sortes. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne de chez Jaguar de disponible pour des entrevues avant 3h, 3h30 dans l'après-midi. Et moi, à midi, midi et demi, j'avais terminé. J'avais fait le tour. Ça me tentait pas d'attendre les 3h avant de pouvoir parler à quelqu'un. Fait que j'ai juste décidé de m'éclipser à un moment donné. Là, ça suffit. Mais c'est quelque chose de très intéressant, lors de la performance de Jaguar. Ça donne la chance aux gens qui sont inscrits d'essayer beaucoup de produits Jaguar, pas tous les produits Jaguar, là. On n'a pas réussi à s'asseoir dans tous les produits Jaguar, mais il y en avait beaucoup qui étaient là pour être regardés, puis quelques-uns pour être conduits. C'est quoi lors de la performance? Ben, c'est ça, c'est Jaguar et Land Rover qui présentent leurs produits à des futurs clients et certains journalistes. On était quelques journalistes qui étaient là sur place en même temps. Et puis on a eu la chance d'essayer un Range Rover Sport sur des espèces de rampes inclinées. Donc, on roulait là, à peu près dans une inclinaison de 30-35 degrés de côté avec un Range Rover Sport sur ces rampes-là. C'est assez impressionnant. Je te dirais que c'est quelque chose que ton corps veut totalement combattre. Là. Quand tu te dis que tu as une des quatre roues qui ne touche pas par terre à un moment donné quand tu embarques sa rampe, puis que tu peux pas concevoir là, logiquement comment est-ce que la voiture peut continuer à rouler sur le côté dans un angle comme ça, là, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est très stressant. T'as juste le goût de donner un coup de volant pour redresser la patente. Puis si tu fais ça, ben c'est plate. Tu vas probablement te ramasser sur le toit. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais t'as des instructeurs avec toi qui t'expliquent. Ça s'est super bien passé. Faut dire, là, les Range Rover, Land Rover, là, c'est des véhicules qui sont capables d'en prendre. Là. Puis c'est des véhicules qui voient jamais ce type de terrain-là parce que tu payes 150 000 pour un Range Rover, t'as-tu assez pas le goût de l'amener dans la boîte? T'sais? Ben ça, je suis pas d'accord. Hein? Ben... Est-ce que tu savais que c'est la marque, selon, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les gens de Land Rover, que c'est la marque où il y a le plus de gens qui vont hors route avec leur véhicule? OK, ben c'est bon à savoir, parce que c'est des véhicules qui sont vraiment capables. Moi, un de mes premiers voyages, un de mes premiers essais de Land Rover, on m'avait amené au Utah. Dans un endroit complètement fou. Tu sais, t'écoutais ça, Roadrunner, quand t'étais plus jeune? Ouais. Il y a longtemps, mais je suis sûr que tu t'en souviens. Ça joue encore à télé, mais oui, j'écoutais ça quand j'étais petit. Ben, ce décor-là. Ouais. Avec des rochers partout, des piles de roches partout et tout. Et c'est là-dedans, et sur le sable, qu'on nous avait amené faire du hors-route avec un véhicule qui valait, c'était le Range Rover Sport Supercharge, qui valait une fortune. Et honnêtement, ça passe partout, là. Non, ouais. C'est, moi, j'aurais jamais osé. Mais dans cet endroit-là où on est allé, chaque fin de semaine, il y a des groupes de Land Rover qui se réunissaient pour aller faire du hors-route. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, t'as des groupes comme ça, puis c'est des endroits pour faire ça, tu sais. Ici, au Québec, ouais. C'est peut-être un petit peu plus dur de trouver une place pour aller faire du hors-route avec ton Range Rover, là, à moins que t'aies un terrain à toi où tu connaisses des endroits cachés un petit peu dans le nord, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est des véhicules qui sont extrêmement capable. J'étais vraiment impressionné, surtout de le faire. L'année passée, on était passager dans ce type de trajet-là, mais cette année, il nous faisait conduire vraiment ces rampes-là. C'était vraiment, vraiment amusant. Là, on a eu bien, bien du fun. Deuxième chose qu'ils nous ont fait faire, c'est conduire le Jaguar F-Pace, donc l'espèce de VUS medium de Jaguar. Il va y avoir le E-Pace qui va être plus petit, mais ça, c'est le F-Pace. Lui, on le conduisait à fond la caisse dans une piste improvisée. C'était la version S, si je me rappelle bien, la version la plus puissante, c'est ça, le F-Pace S ou quelque chose comme ça, là. Et puis, effectivement, c'est ça. Ça se déplace, fait qu'on avait quelques tours de piste là, à fond de la caisse avec des virages puis des freinages assez agressifs. Ça a été ça aussi pas mal amusant. La troisième chose qu'on a fait, il y avait quatre choses qui nous faisaient faire. La troisième chose, c'était derrière le volant d'une Jaguar XE, qui est la berline abordable, entre guillemets. Ou d'entrée de gamme. Dont on a déjà parlé ici parce que j'avais eu la version diesel pendant quelques semaines. Ouais, c'est ça. Je vais l'avoir là, au début du mois de novembre, la Jaguar XE, là, est déjà réservée. Donc, Attends. Ouais. Tu viens-tu de me dire que tu te promènerais en Jaguar? Ben oui, au mois de novembre, je vais me promener en Jaguar. Toi qui chiolais que tu n'avais jamais conduit de Jaguar. Oui, ben, je ne chiolais pas. J'avais jamais eu le temps d'en booker une. Ça fait longtemps que je suis d'accord avec les gens de Jaguar que je prenne de leur voiture. J'ai juste jamais eu le temps d'en réserver une. Là, la semaine passée, je me suis décidé. J'ai dit, regarde, là, qu'est-ce que tu as disponible? Et c'était la XE. Mais la première fois que j'ai réservé la XE, ça tombait la semaine du Festival des essais à Toronto. Mais comme c'est trop de millage, il a fallu que je la repousse parce que je ne peux pas la conduire jusqu'à Toronto. Ça aurait été assez agréable de la conduire jusqu'à Toronto, par exemple. Je pense que j'aurais eu pas mal de plaisir avec cette voiture-là. Mais on va avoir d'autres choses, pas grave. Donc, ça avec des espèces de cônes intelligents. Donc, à Montréal, on est habitué avec les cônes oranges. Là, c'est des cônes intelligents avec des... Il y a des lumières dessus. Les lumières sont soit rouges, soit vertes, soit bleues. Puis, il faut passer entre les cônes et c'est dynamique. Donc, le trajet que toi, tu fais, c'est pas nécessairement le trajet que la personne après toi ou avant toi a fait. Ça change dynamiquement. Il y a un GPS dans la voiture qui sait exactement à quelle distance tu as passé dans les cônes. Est-ce que tu as passé exactement au centre, trop à droite, trop à gauche, ton freinage. Vraiment, toute la dynamique de la voiture est enregistrée. Et puis, fait que tu passes entre les lumières vertes. Pendant que tu passes entre les lumières vertes, il y a une autre série de lumières qui était bleue qui tourne au vert. Puis c'est ta prochaine porte à laquelle il faut que tu passes. On est avec un instructeur qui nous dit « OK, à droite agressivement, freine à gauche plus agressivement. OK, là, l'autre porte est en arrière complètement. Fait qu'il faut que tu fasses un virage complètement en U pour t'en aller là. » C'est dynamique. C'est vraiment intéressant. Puis... je suis pas capable de suivre des instructions, ça a l'air, parce que j'ai passé à travers la mauvaise porte une fois. Faut que je me reprenne. Mais c'est vraiment intéressant, par exemple. Mais, tu sais, entre le vert puis le bleu, t'as toujours comme l'impression qu'il faut que tu t'en ailles vers le bleu après, mais faut toujours te suivre le vert. Fait que c'est quelque chose que j'ai eu de la misère avec. Mais, une fois, j'ai manqué une porte puis ça tue ton temps puis tout ça. Là. Mais c'est super intéressant à faire. Puis la dernière chose qu'ils nous ont fait faire, c'est un tour sur une autre piste improvisée dans une Jaguar F-Type SVR. Oh, ça aussi, c'est pas vilain, hein? La F-Type, c'est une des plus belles voitures sur le marché présentement. Je pense que c'est vraiment un design incroyable. Juste à regarder cette voiture-là, elle est magnifique. Mais la SVR, la violence des accélérations là-dedans, le son qui sort de l'échappement, c'est à vous faire lever le poil ses bras. Puis on était avec des pilotes professionnels. L'année passée, on avait eu la chance de conduire la SVR sur une petite piste improvisée, un peu comme celle qu'on avait avec le F-Pace cette année. Mais cette année, par exemple, la F-Type, c'était assis passager avec un pilote, mais ils nous ont payé la traite. J'ai fait deux tours de piste avec lui, puis ils nous ont payé la traite. Là. C'était vraiment, vraiment amusant. Donc, merci à Jaguar pour cette belle opportunité-là. Puis si ça recommence l'année prochaine, je pense que je vais aller faire un autre tour parce que c'est vraiment le fun. C'est quelque chose, je pense, que vous pouvez vous inscrire sur le site de Jaguar là, si vous êtes intéressé à peut-être voir des produits. Allez sur le site de Jaguar. Puis je pense que probablement au début de l'année prochaine, il va peut-être avoir des inscriptions pour l'art de la performance ou quelque chose comme ça. Ou au pire, sur Twitter ou Facebook, allez dans les pages de Jaguar puis envoyez-leur un petit message. Ah, tu sais, j'aimerais ça. Mais c'est sûr et certain, si vous magasinez une Hyundai Elantra ou une Toyota Yaris, ben, tu sais, c'est peut-être pas une des choses à aller essayer pour, tu sais, juste pour le fun d'y aller. Là. C'est vraiment plus des clients qui cherchent ou des choses comme ça. Mais regardez, essayez-vous. Si ça vous tente d'aller essayer une Jaguar F-Type, payez-vous à la traite. Mais c'était pas mal le fun. Toi, Marc, t'as essayé un nouveau produit qui n'est pas disponible ici, mais qui va peut-être arriver dans un avenir approché. La voiture hydrogène de Honda, la Clarity. Oui, monsieur. Ça, c'est vraiment particulier, puis c'est arrivé un peu par hasard. Actuellement, à Québec, il y a toutes sortes de rencontres entre le ministère de l'Environnement, le premier ministre et les représentants des manufacturiers, de certains manufacturiers qui ont un intérêt dans les voitures à hydrogène. Alors, depuis mardi, il y a des rencontres qui ont lieu là-bas. Toyota s'est présenté. Il y a déjà une première entente avec Toyota pour la mise en place d'une borne à Brossard. Okay. Au bureau régional de Toyota, il y aura une borne de recharge d'hydrogène. Donc là, il y a, parmi les compagnies impliquées, il y a bien entendu Toyota, tu t'en doutes. Mm-hmm. Il y a Honda, bien entendu. Il y a Hyundai qui en fait partie aussi. Parce qu'ils ont leur fuel cell, là, leur véhicule à combustible. Mm-hmm. Et il y a d'autres compagnies, là, je pense à Kia notamment, qui est aussi impliquée. Donc, il y a d'autres compagnies, Mercedes, qui est là-dedans aussi. Okay. Une fois ça dit, on a eu donc l'occasion de mettre la main sur la Honda Clarity, qui était en studio pour l'émission Virage que je tourne à Québec là-bas. Mm-hmm. Et on m'a donné l'occasion de l'essayer un peu. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Agréablement surpris d'une part parce que la voiture elle-même, elle est très belle. J'ai mis une photo hier sur ma page Facebook. Si vous allez voir, elle est là. Ouais, un très beau rouge aussi, la voiture. C'est un espèce de bourgogne rubis. Là. C'était très joli comme couleur. Effectivement, la couleur est très belle. L'intérieur, honnêtement, ils ont fait un beau travail. Il y a une espèce de console flottante au centre, là, mm-hmm. comme c'est de plus en plus fréquent. Mm-hmm. Le design est beau, c'est spacieux, c'est vaste. J'ai été très impressionné de cette attitude-là. Okay. Je suis parti sur la route. Écoute, je te cacherai pas, j'ai pas fait 20 000 km avec. Là. Ouais, t'as eu de la misère à la recharger. Ouais, effectivement. Même eux, d'ailleurs, une fois que j'ai eu terminé mon essai, il a fallu que je la stationne en arrière d'une remorque parce qu'il la mettait sur une plateforme pour l'amener parce qu'il n'y a aucune borne de recharge à haute pression au Québec. OK. Yeah, ouais. Fait que ça règle le problème. Si tu veux la charger, il faut aller aux États-Unis. Yeah, un peu loin. C'est ça. Écoute, c'est une auto qui s'est avérée très agréable en conduite. Peut-être un peu moins vive en accélération que je m'attendais parce que j'avais conduit la Bolt récemment. Puis une voiture électrique, c'est quand même assez dynamique. Mm-hmm. Il y a quand même un mode sport qui permet des accélérations plus vives. En mode sport, on va aussi utiliser un freinage un peu plus agressif pour récupérer un peu d'énergie. Malgré tout, c'est une auto qui est très silencieuse, qui se comporte très bien et qui a une direction très Honda. C'est moins vrai pour les suspensions qui sont un peu légères à mon goût. OK. Mais c'est quand même une auto qui se comporte comme une Honda avec une direction qui est assez précise. Honnêtement, j'ai été agréablement impressionné de la façon dont la voiture se comporte. L'avantage, écoute, on parle d'une auto qui aura 480 km d'autonomie. Ouais. Tu sais, avec une recharge qui prend une dizaine de minutes à peu près. OK, ouais, c'est quand même possible. Bien sûr, la crainte, c'est toute la question de sécurité. Bon, nous, on nous dit qu'il n'y a aucune sécurité. Ça marche un peu comme une bonbonne de propane, en fait. Là. Ouais, ouais. C'est un peu le même principe. Donc, honnêtement, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Mais là, on nous dit que là, c'est sérieux. Il y a vraiment un projet confirmé de borne multicarburant, ouais. De station multicarburant qui va à ce moment-là utiliser aussi tout l'hydrogène aussi. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais on est actuellement dans une période d'entente et je peux te dire que donc, juste avant moi, c'était le premier ministre Couillard qui avait conduit l'Honda Clarity. Est-ce que c'est un honneur ou pas? Je te laisse choisir. Mais c'est quand même une voiture qui fait l'objet actuellement de grosses démarches de négociation avec les représentants auprès du gouvernement pour autoriser ces voitures-là à circuler au Québec bientôt. OK, bon, c'est bon. Pour le commentaire, je vais regarder mes commentaires pour moi. C'est pas un, ouais, non, c'est pas un podcast mauvaise politique. De toute façon, c'est une mauvaise blague parce que quand t'es premier ministre, puis écoute, je le dis sans vouloir faire de politique, là, je connais pas un premier ministre qui s'attire les grâces de tout le monde. Tout le monde chiale tout le temps contre les gens en poste. Non, ouais, ça va continuer d'être le cas tout le temps. Fait que c'est juste qu'il faut s'amuser à leurs dépens. Ils sont payés en partie pour ça aussi. Ouais, c'est un fait. Puis ça a quelle grosseur, une Clarity? C'est-tu comme une Civic ou? C'est plus gros qu'une Civic, plus petit qu'une Accord. OK, fait qu'un petit peu entre Je te les deux. dirais, c'est quelque part entre les deux. Mais en termes d'espace, il y a presque autant d'espace que dans une Honda Accord. OK, Vraiment. c'est bon. Honda Donc. Accord, ben je ne sais pas pour la nouvelle. La nouvelle, je m'en vais l'essayer la semaine prochaine. Ah, bon, tu nous en reparleras un petit peu plus tard. Avec plaisir. Super, Marc. Donc, on va faire notre première pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu as essayé la nouvelle voiture que Hyundai pousse pas mal. On voit quand même beaucoup de publicité sur cette voiture-là à la télévision. C'est la nouvelle Hyundai Elantra GT. Ouais, ben, c'est un drôle de choix de mots que Hyundai pousse sa voiture, mais en tout cas, c'est, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, dans le sens qu'il publicise pas mal. Ils font beaucoup de promotions autour de cette voiture-là. Oui, on veut en vendre. Oui, et non sans raison, il faut le dire. Parce que c'est une auto qui est quand même, ma foi, plutôt impressionnante dans sa façon d'être conduite. OK. C'est-à-dire que, je m'explique, là, ça demeure une Hyundai Elantra. On a gardé la même superstructure que la Hyundai Elantra traditionnelle. Donc, on a un châssis qui est extrêmement rigide, bien que ce soit précisons, là, le GT, ça veut juste dire 5 portes. Hein. Oui, c'est ça. Ça veut juste dire le haillon, là. C'est un hatchback. C'est ça. On va préciser ça. Donc, effectivement, on a gardé cet élément de superstructure extrêmement rigide et ça paraît, ça paraît dans la conduite de la voiture. Il existe deux versions. Il y a une version de base qui arrive avec un moteur 2 litres de 162 chevaux. Moi, celle que je conduis, c'est la version sport avec le 4 cylindres 1,6 litres de 201 chevaux. Okay. Et là, vraiment, moi, j'ai la boîte automatique avec double embrayage en plus. C'est une auto qui est étonnante par sa vivacité, je te dirais. OK, ouais. Je m'attendais pas à ça. Écoute, c'est pas une Corvette, là, hein? Non, on va non, se non, dire non, les vraies affaires, là. On s'en ouais, c'est ça. Et on n'a pas, je dois le dire, on n'a pas non plus je dirais, la sensation de conduite, le feeling de conduite qu'on a avec une Volkswagen GTI, par exemple. Même si on est à peu près dans la même gamme de puissance, là, ouais. On ressent moins l'espèce de petite brutalité qui est tout à fait germanique là, et qu'on retrouve moins chez Hyundai. Okay. En revanche, ça fait une voiture qui est extrêmement intéressante à conduire parce qu'elle est comme conduite de tous les jours, c'est une conduite très directe. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Y a un. En fait, il faut dire que tu peux jouer avec le volant. Tu peux raffermir le volant ou pas parce que c'est une direction qui est électronique. Ouais, donc on peut changer le mode sport ou des choses comme ça, là. C'est ça. En mode sport, ça paraît, on le ressent. Il y a vraiment une différence au niveau de la direction. Okay. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très agréable. Ouais, parce que souvent, il y a des directions électriques que tu as beau changer de mode, puis tu as l'impression que tu fais rien. À part changer une sélection, là, ça n'a aucune incidence à la conduite, là. Mais l'Elantra, jusqu'à maintenant, du moins, elle est vraiment bien faite de ce côté-là. OK. Évidemment, les suspensions ont d'abord été tournées vers le confort. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une voiture hatchback. Même si c'est la version sport, ça demeure une voiture hatchback dont l'intention première est de faire plaisir à une partie de la population qui a des enfants, genre. Ouais, ou les jeunes qui préfèrent le look d'une hatchback à exactement. Une voiture mais à coffre, donc, hein? On a joué la carte davantage de ce côté-là au niveau du. De l'ajustement de la voiture, si tu veux. OK. OK. C'est pas une mauvaise, à mon avis, pas une mauvaise affaire du tout. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que ça permet justement d'avoir une randonnée qui est, ma foi, intéressante, peu importe où tu te déplaces puis où tu t'en vas avec. OK. T'sais, fait que ça, pour moi, c'est pas en soi une mauvaise chose. Je t'ai parlé de la boîte automatique, double embrayage. Elle est aussi disponible avec une boîte manuelle dans la version de base qui, moi, m'intéresse moins. Je te l'avoue, parce que peut-être que je vieillis, mais il me semble que c'est pas une auto qui est conçue pour être conduite avec une boîte manuelle. Peut-être parce que c'est le haillon là, qui me trompe visuellement, là. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui, moi, me fascine tant que ça. Fait que la transmission manuelle qui promène ce rapport n'est pas disponible dans la version sport. Oui, elle est disponible dans la version sport. OK, aussi. De base, okay. De base, c'est ça qu'on te propose. Okay, si okay. Tu veux l'automatique, il faut que tu payes. OK, c'est bon. Espace de chargement, 705 litres, qui est tout à fait compétitif avec ce qui se fait dans la catégorie. Évidemment, si tu abaisses tout, tu peux te monter jusqu'à 1560. C'est quand même pas une bombe. Hein? Je veux dire, on fait une accélération 0-100 aux alentours de 7 secondes. C'est raisonnable, mais pas massif. Alors, pour moi, cette voiture-là, elle apporte un bel équilibre entre l'espace, le côté familial, le côté confort et un petit peu de performance si tu as envie d'en avoir. Mon seul bémol, parce que, non, faut se dire aussi qu'elle est très bien équipée. OK, de base, là, c'est une auto qui arrive avec pas mal d'équipements. La console centrale, elle est magnifique. On a l'impression que Hyundai s'est inspiré de sa marque de luxe Genesis pour réussir à faire quelque chose vraiment intéressant. Ok, ben c'est Et bon. ça, pour moi, là, c'est vraiment une belle, belle réussite. L'écran central est facile à utiliser. Tu sais, vraiment, j'ai été charmé par cet habitacle-là. Et les sièges sont confortables aussi, donnent un bon support malgré, je dirais, mon horizontalité différente. Mais ça, c'est une chose que beaucoup de constructeurs oublient, hein. On travaille beaucoup l'extérieur de la voiture pour la rendre belle, souvent sexy. Puis à l'intérieur, on a comme plus de budget. Fait que là, on utilise plein de plastique dur, on laisse ça terne un peu, on met pas l'intérieur super beau. Pourtant, on passe 95% de notre temps à l'intérieur de la voiture. C'est à l'intérieur que ça devrait faire une grosse différence aussi, tu sais. Effectivement, moi je pense que l'intérieur est aussi important, sinon plus, Ben là. oui. C'est ce qui explique que j'ai eu une Aztèque pendant des années parce que j'étais assis en dedans. Ouais, ça, Mais tu ne la voyais pas, c'est ça. c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Alors, l'écran supérieur qui est bien placé, je trouve que c'est vraiment bien fait, là. On a fait un beau travail à ce niveau-là. Donc, ça, c'est intéressant. Petit bémol, ben, c'est que c'est 27 000 $ la version sport, mon ami, hein. OK. Ça commence à être des sous un petit peu. Ouais. Pas si cher si on la compare à une GTI, Ouais, c'est un petit peu en dessous d'une mais GTI. Une GTI, t'as passé en bas de quoi, 29-30? c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Mais si tu veux avoir une version, tu sais, si tu vas aller chercher une Elantra GT ordinaire, tu vas l'avoir pour beaucoup moins que ça, là. OK, ouais. C'est sûr que tu as pas mal moins de puissance, mais n'empêche que tu as beaucoup, beaucoup moins de. Ça coûte, je pense que c'est 8 000 de moins, là, presque. OK, ouais. Alors, tu sais, c'est là la différence. Dans l'ensemble, cependant, c'est une voiture que moi j'aime beaucoup, qui a une grille extérieure. La grille avant, elle est absolument magnifique. Je trouve qu'ils ont fait un superbe travail avec l'Elantra GT. Honnêtement, j'avais hâte de conduire cette voiture-là, parce que je trouvais son style intéressant, je la trouvais belle. Je l'ai conduite, je ne suis pas déçu. C'est pas aussi dynamique que ce à quoi je m'attendais, mais c'est certainement un bon achat si vous avez envie de ce genre de véhicule-là. Moi, j'adore la façon dont elle se comporte. Bon, mais il va falloir que je parle aux gens d'Hyundai. Oui, monsieur. M'a réservé pour une semaine. Passer le mois de novembre. Bon, super. Moi, j'ai essayé quelque chose d'un petit peu moins sportif, peut-être un petit peu moins frugal aussi. J'ai essayé le Chevrolet Colorado, le nouveau Chevrolet Colorado 2017, camionnette de chez Chevrolet. J'avais T'avais quelle version? la version Z71. Quatre roues OK. motrices et tout ça. J'avouerais, la première chose que j'ai remarqué, c'est d'être obligé de mettre la clé pour démarrer le camion. Je pensais que dans la version, comme une des versions les plus hautes du Colorado, que j'aurais pas à faire ça. Je m'attendais à un bouton démarrage. Il y a des boutons de démarrage partout à ça. Je m'attendais à voir ça dans ce véhicule-là, mais non. Mais c'est pas grave, là, je veux dire. C'est juste, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Le ZR2 n'a pas non plus sa vraie clé. OK, tu sais, ça fait que je me semble les boutons de démarrage, c'est le fun, c'est le fun. Mais c'est moins de trop. Mais bon, magnifiquement rouge, j'ai fait tourner des têtes. Les gens aiment beaucoup les camionnettes qui ont une allure un peu différente. Ça n'a pas été différent avec le Z71. Les gens ont vraiment aimé ce véhicule-là, l'ont regardé. J'étais allé porter mon fils à une journée, c'était la fête d'un de ses amis. J'étais allé le porter, puis quand j'étais allé le porter, j'étais allé en Leaf. Là, il dit: Ah, mais ton fils, peux-tu se baigner? Parce qu'il était au courant des problèmes de santé qu'il y a eu l'année passée. Peux-tu se baigner cette année? Puis ça, je dis: Oui, pas de problème. Je vais aller chercher un costume demain, je vais revenir. Je suis revenu avec le Colorado. Fait que le père me regardait, il dit: Tu conduis des choses un peu différentes, toi? Il dit: D'une Leaf à un Colorado. Je dis: Ouais, c'est une voiture d'essai. Mais il dit: Ah, il est vraiment beau, par exemple. Fait que c'est ça, les gens aiment ça. Équipé d'un V6 de 3,6 litres, boîte automatique à 8 vitesses. Comme des raisons automatiques. Il y avait Android, Apple CarPlay dedans, un bel écran. Je veux dire, à l'intérieur, c'est quand même bien. Comme je disais, la seule chose qui criait un peu, c'était le trou pour mettre la clé. Mais pour le restant, c'est un intérieur qui est quand même bien fini. Assez confortable à conduire. Il faut dire que ces véhicules-là, que ce soit un F-150, que ce soit un Colorado, que ce soit n'importe quelle camionnette de ce genre-là, plus gros, plus petit, si vous conduisez ça puis vous avez aucun poids dans la boîte en arrière, c'est sûr que ça rebondit un peu. C'est Ouais, mais pas. en plus, le Z71, Il est c'est fait pour pas. aller hors route. C'est ça. Fait que c'est encore un petit peu plus intense là, côté confort, mais c'est pas dérangeant. C'est dérangeant peut-être la première journée qu'on l'a. C'est la première journée que je l'ai eu, je me suis dit ah ok ouais ça va être un petit, va me faire un petit peu brasser. Puis au courant de la semaine, ben c'est comme ah ben non c'est correct finalement c'est pas si pire que ça, c'est pas si dérangeant que ça. Puis on s'habitue quand même assez rapidement. C'est un véhicule qui a quand même beaucoup d'espace. Moi, j'avais ce qu'ils appellent le crew cab. Là, donc, il y avait de l'espace en masse en arrière pour asseoir mon petit bonhomme quand on se promenait. On est même allé à la ronde avec, puis on est revenu. On n'a pas eu de misère à trouver la voiture dans le stationnement après. Je veux dire, rouge comme ça, à cette grosseur-là, ça se voyait quand même assez bien. Non, c'est un véhicule que j'ai bien apprécié. Un véhicule qui est pas donné, mais qui est quand même pas si cher que ça. J'ai resté surpris parce que souvent, j'ai essayé des F-150 à 72 000 $ là, à un moment donné. Tu oui, te dis, ça commence à être cher. C'est sûr que ça, c'est un peu plus petit, mais on parle d'un véhicule qui est 38 445 $ de base. Ouais, mais faut rappeler que la base Colorado, c'est plus un rival ou Ford Ranger qu'on n'a pas c'est encore. C'est ça. Pour ça, je disais que c'est un peu plus petit. Là. Fait que c'est pas la même grosseur. Puis celui que j'avais, là, équipé comme il était pour faire du hors-route et tout ça, avec un beau look extérieur, là, 44 225 $. Ce qui est quand même pas exagéré pour un camion de ce type-là, avec l'équipement qu'il y avait. Là, on parle du 4G, là, avec l'Internet dans le camion, qu'il faut payer. Ouais, mais ça, faut rappeler qu'il faut payer ça. Là, c'est pas gratis. Non, c'est gratis les premiers 6 mois. Après ça, c'est signe ton chèque, pèse fort, il y a 3 copies. Mais c'est ça. Après ça, faut payer. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui veut partager de l'Internet dans le camion. C'est quand même intéressant. Vous avez des enfants avec une tablette, ils n'ont pas nécessairement de cellulaire après. Ben, ils se branchent après l'Internet du camion, puis ben, vous êtes capable de vous promener, puis ils sont capables de faire le petit jeu, aller sur leur Facebook, puis des choses comme ça. Fait que c'est un véhicule qui est quand même intéressant, bien équipé. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant. C'est une belle grosseur, c'est pas trop gros. Un F-150, quand je me promène avec ça, je trouve ça tellement énorme. Ça, c'est comme un juste milieu. Je pense que c'est une gamme de camions qui manque un peu sur le marché. Là, on sait, le Ranger va revenir. Dodge avait ou Ram Dodge là, dans le temps avait le Dakota qui était de la même grosseur, ça aussi c'est parti. Fait que c'est des véhicules qui sont intéressants. Tu sais, il y a Toyota qui a quand même sa version dans ce grosseur là qui est le Tacoma. Tu sais, fait qu'il en manque un peu là, mais je trouvais que c'était un bon véhicule de Chevrolet, c'est quand même puis il y a de la gueule, là. C'est un beau pick-up, là. C'est un beau petit pick-up. Mais malheureusement, en fin de semaine, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser pour traîner des grosses choses. J'aurais bien aimé ça, mais j'avais rien de gros à acheter. Fait que je me suis dit, ça me dépense pas de dépenser juste pour voir. T'sais, ça me tente pas de dépenser juste pour voir s'il y a de la place pour mettre quelque chose en arrière. Moi, me retenir, je suis sûr qu'il y a de la place en masse. Mais fait que c'est ça. Beau petit véhicule de Chevrolet. Ouais, non, c'est bon. Moi, j'avais eu le ZR2 puis j'avais beaucoup aimé aussi. Là. Ouais, non, c'est des beaux camions. Puis juste. Des fois, juste de rajouter un petit peu de maquillage après ces camions-là, ça leur donne tellement une allure agressive et beaucoup plus sportive que tu sais la version de base qui est souvent un peu plate. Là. Parce qu'on s'entend, une camionnette, c'est une camionnette. Là. Ça, que tu ailles à peu près dans n'importe quelle compagnie, si tu prends la version de base, ça a une allure plutôt plate. Mais ils sont capables de les habiller avec des ensembles pour les rendre vraiment, vraiment super beaux. Puis le Colorado était vraiment magnifique là, pour un camion, puis rouge, tu sais, on dirait que ça ressort. Comme mon fils a bien aimé rouge, c'est sa couleur préférée. Quand je suis rentré avec ça dans l'entrée, il dit « Oh, papa, t'as un beau camion rouge! » Ben oui, on va aller se promener avec en fin de semaine. Donc, c'est ça, j'ai bien aimé. Si ça vous intéresse, ben allez voir ça, le Chevrolet Colorado. Comme j'ai dit, 44 225 $ pour la version que j'avais, 4 roues motrices, crew cab, bien équipé. Alors c'est ça, Marc, on va faire une petite pause puis on va revenir ensuite. Tu vas nous parler de l'essai que tu as fait de nouveaux véhicules Subaru 2018. Effectivement. Alors nous sommes de retour et Marc, tu vas nous parler de quelques essais que tu as fait dernièrement. Tu as été invité par Subaru pour aller essayer leur nouveau modèle 2018. Ouais, en fait, à l'origine, c'était le lancement de la Subaru Outback et de la Subaru Legacy. Donc, on nous a amenés dans la région de Toronto, dans la région du Canadian Tire Motorsport Park, que l'on connaît mieux sous le nom de Mosport. Et c'est là qu'on devait faire les essais de ces deux véhicules-là. Mais en arrivant là, aux surprises, non seulement il y avait bien sûr la Legacy et la Outback, mais il y avait toutes la gamme Subaru 2018. OK. Alors, ça m'a permis vraiment d'essayer toutes les voitures parce que, il faut bien le dire, la Legacy et la Outback ont été modifiées, mais comme juste un peu. Tu sais, c'est pas édifiant comme changement ce qu'on a fait au véhicule cette année-là. Si on résume rapidement, écoute, il y a des nouveaux phares avant, il y a une nouvelle grille de calandre qui est plus proche de la signature Subaru, là, la fameuse grille hexagonale. Il y a des nouveaux pare-chocs. On a modifié un petit peu les rétroviseurs pour les rendre plus aérodynamiques. On a modifié un peu le dessin du volant. L'écran intérieur est plus grand dans certaines versions. On dit qu'on a modifié la direction et c'est à peu près ça. En gros, là, c'est pas mal ce qui a été changé sur ces deux véhicules-là. On va quand même les prendre un par un, si tu permets, parce que j'ai eu l'occasion de les essayer dans des conditions différentes et ça m'a surpris. En fait, le premier qui m'a étonné, c'est l'Outback. Tu sais, Subaru, là, c'est une marque qui est populaire de plus en plus. L'année passée, ils ont vendu 50 000 véhicules. Cette année, puis c'est un record, tu auras compris, cette année, ils s'enlignent pour faire un nouveau record. Donc, on est vraiment dans une année qui va bien. Et pour rétablir leur record, l'année passée, ils ont vendu 3 000 Legacy, mais 11 000 Outback. Fait que l'Outback, c'est vraiment leur star dans ce milieu-là, d'autant plus que la Legacy n'est plus disponible avec la version familiale, donc c'est strictement la berline. Donc, l'Outback, c'est donc un véhicule qui se veut plus polyvalent. On l'a amené sur la route. Règle numéro un, ce qu'on a beaucoup modifié et on s'en est aperçu, c'est l'insonorisation. Sur la route, c'est vraiment doux, c'est silencieux, il n'y a pas de problème. On est allé se promener dans une zone qui était une route de gravier et malgré tout, ça s'est fort bien comporté. Honnêtement, ça m'a agréablement surpris. J'ai ensuite amené l'Outback dans un monde où il est supposé être en forme et il l'a bien prouvé, c'est le hors-route. Bon, en route, on est allé sur un sentier qui avait été aménagé dans ce coin-là, évidemment. Il y a des portions où l'Outback s'est fort bien débrouillé. Je pense entre autres à une route de Muggles, tu sais, des fameuses bosses comme le ski de boss, où là, on se retrouvait à un moment donné sur deux roues avec un Subaru, c'était impressionnant, mais malgré tout, le véhicule sortait assez bien et il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Là où, par la suite, il y a eu quelques petites difficultés, en fait, c'est pas une vraie difficulté, c'est plus un aspect dérangeant. C'est que sur le véhicule, il y a un mode qui s'appelle le X-Mode. Le X-Mode, c'est que quand tu enfonces le bouton, en fait, c'est une aide à la descente. Donc, tu es dans une pente abrupte, tu payes sur le X-Mode, tout ce que tu as à faire, c'est de tenir le volant et la voiture va descendre à son propre rythme. Le problème, c'est que c'est excessivement bruyant dans le hardback. Écoute, je l'ai essayé avec le Forester et le Crosstrek, là, puis tu n'avais pas ces bruits-là. Mais dans le hardback, ça fait vraiment un bruit infernal, au point où je pensais à un moment donné que j'avais quelque chose de brisé. Mais c'est comme ça, semble-t-il, dans tous les hardbacks. C'est que ça fonctionne beaucoup avec les freins ABS. Et les freins ABS, en fonctionnant, font un vacarme infernal. Et ça a paru vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, ça, c'est le côté que j'ai trouvé désagréable. Mais, soyons francs, qui va vraiment utiliser ce mode-là de façon intensive? Il n'y en a pas tant que ça. Alors, très rarement, là. Exactement. Mais pour te montrer à quel point Subaru était, je dirais, se sentait en sécurité avec leur véhicule, ils nous ont permis d'aller aussi sur la piste avec les véhicules. Autant avec le Subaru qu'avec le Outback. Et là, évidemment, ça s'est un petit peu gâché pour le Outback. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est un véhicule qui est plus haut sur pattes. Donc, c'est un véhicule dont les suspensions sont adaptées davantage pour des obstacles que pour une conduite dynamique. On n'a rien changé au moteur. Dans les deux cas, on se retrouve encore avec le moteur 4 cylindres, 175 chevaux, ou le moteur V6, le moteur H6 3.6 de 252 chevaux. Évidemment, le moteur 6 cylindres est beaucoup plus pesant. Tu essayais de prendre des virages et là, c'était la bataille contre la voiture parce que tu avais l'impression qu'elle voulait continuer tout droit, alors que moi, j'aurais aimé mieux tourner. Bon, c'est moins vrai avec le 4 cylindres, évidemment, mais il y a une énorme différence entre le Legacy et l'Outback à ce niveau-là aussi, parce que vraiment, le Outback roule beaucoup plus, il tangue beaucoup plus quand tu fais des virages, il plonge beaucoup plus vers l'avant quand tu freines un peu fort. On le sent vraiment qu'il est sais, il est en talon haut, puis ça paraît dans le comportement du véhicule. Ouais, mais tout véhicule qui est un peu plus haut que la moyenne, tu sais, un véhicule plus bas de terre va être plus dynamique sur une piste. C'est sûr, aussitôt que tu t'élèves un peu le véhicule, tu as plus de tangage d'un bord à l'autre, c'est moins stable, là. Effectivement. Mais dans l'ensemble, je te le dis, j'ai vraiment bien aimé le hardback et honnêtement, c'est le véhicule que moi, dans cette catégorie-là, je recommandais souvent et je regrette absolument pas de continuer à le faire. OK. Dans le cas de la Legacy, évidemment, on l'a pas amené hors route parce qu'elle a pas la garde au sol pour y aller. L'intérieur a aussi été réaménagé de la même façon. C'est un véhicule qui est confortable, qui profite de la même douceur. La seule nuance, c'est vraiment au niveau de la piste qu'on l'a ressenti. Au niveau du 6 cylindres, c'est aussi très lourd. Au niveau du 4 cylindres, je t'avoue que je me suis moi-même impressionné au volant de la Legacy. Je trouvais que vraiment, elle était intéressante et elle était beaucoup plus dynamique que ce dont je me souvenais, là. OK. Alors, je voudrais pas du 6 cylindres dans des conditions aussi sinueuses. Il faut dire qu'on était sur le petit circuit à Mosport, un circuit qui est extrêmement technique. Donc, c'était peut-être moins sa place. Mais malgré tout, ça a été vraiment, vraiment intéressant et elle s'est bien comportée. Non, c'est bon. Mais, comme je te l'ai dit, on avait aussi un autre élément. C'est ce qu'on appelle un skid pad. Donc, un espèce de cercle. Dans ce cas-ci, c'était un 8 que l'on arrosait abondamment. Et l'idée, c'était d'essayer de tourner en rond autour du 8 pour essayer de faire décrocher la voiture. OK. Et je peux te dire que honnêtement, il faut travailler très fort, surtout avec le hardback, je t'avoue là, travailler très fort pour réussir à faire décrocher ces voitures-là. Elles sont littéralement accrochées à la route et j'ai poussé à m'en donner un petit peu mal au cœur à force de tourner en rond. Mais vraiment, c'est un véhicule qui était super bien stable, super solide. OK. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, est-ce que c'est des voitures de course? Clairement pas. Est-ce que ce sont des voitures polyvalentes et sécuritaires? Oui. En plus, ils ont le EyeSight, là, leur fameux système. De conduite semi-automatique, là, c'est capable de Ouais, mais freiner, des choses c'est comme ça. plus. C'est ça, là, comme tous les Non, autres. ouais. C'est optionnel, mais ça existe. Ouais. Ils ont modifié comme je te disais, je parlais d'insonorisation, c'est parce qu'ils ont amélioré la qualité des pare-brises, notamment. Mais dans l'ensemble, ce qui m'a surtout impressionné, c'est la solidité, la stabilité de la voiture en conduite. C'est ça qui m'a impressionné. OK. Je t'avouerai qu'après, par contre, je me suis fait plaisir. Bon. Et quand je dis me faire plaisir, c'est que je suis allé en route avec le Forester, qui s'en est bien sorti, et avec le nouveau Crosstrek, qui, lui, m'a vraiment étonné. Honnêtement, hors route, des trois, c'est celui que j'ai préféré. Ah ouais, OK. Ouais. C'est sûr qu'il y a des endroits où il y avait un petit peu plus de misère, là. Quand on arrivait dans les bosses un peu plus intenses, il y a une garde au sol qui était un peu plus basse que les autres. On sentait qu'il travaillait un peu plus et l'angle d'attaque était un peu différent. Mais ce que j'aimais, c'est que contrairement au Forester qui est un peu imposant, contrairement au Outback qu'on sentait un peu lourd, je trouvais que le Crosstrek gardait une certaine légèreté dans la direction, même quand on était hors route. Ouais. Il dispose du même rouage intégral, du même X-Mode et honnêtement, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Personnellement, Crosstrek, c'est un de mes produits préférés chez Subaru. Je pense que c'est vraiment un bon amalgame d'à peu près tout, là. C'est pas trop gros, c'est capable d'en prendre. Moi, c'est un véhicule que j'ai toujours beaucoup aimé, là. Moi aussi, honnêtement, j'aime bien ça. Mais là, évidemment, j'étais sur une piste, alors je ne pouvais pas passer aux côtés de l'occasion de conduire la STI, la WRX et la BRZ sur la piste. Bien sûr. En fait, j'ai ouvert le bal avec la STI et il faut que je te l'ai dit, c'était un petit circuit technique. La STI était presque trop puissante pour être agréable. OK. C'est-à-dire que on pouvait pas en tirer le maximum parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de virages. Donc, on sentait là qu'elle avait encore du jus en masse à nous donner, alors que la piste nous laissait pas nécessairement la place pour en profiter. OK. Alors, dans cette optique-là, j'ai vraiment poussé beaucoup plus à fond la WRX, qui s'est avérée, elle aussi, d'une grande stabilité. Mais mon coup de cœur de la journée, ça a été définitivement la BRZ sur la piste. Ah, c'est sûr. Et là, cette voiture-là, écoute, elle manque de puissance, elle manque de couple. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de virages, tu as tendance à réaccélérer. Ouais. Tu travailles fort de la boîte de vitesse et de l'accélérateur, mettons. Exactement. Mais ça a une tenue de route, mon ami, qui est incroyable. Ça tient la route, c'est solide, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et ce qui est intéressant de cette voiture-là, c'est qu'en plus, tu peux littéralement, parce que c'est la seule propulsion de la famille, on va Oui. le rappeler, c'est une voiture que tu peux littéralement faire valser. Tu peux la contrôler du bout des doigts, tu peux faire des petits dérapages en sortie de virage qui te permettent de bien te positionner. Je suis loin d'être un grand pilote, OK? Loin, loin, loin, là. Je gagnerai jamais une course nulle part dans ma vie, là. Mais ça a été, c'est vraiment une expérience assez unique que ce genre de véhicule-là. Moi, j'ai été beaucoup impressionné par la BRZ. Et elle, je suis allé la mettre aussi sur le skidpad, OK. bien sûr. Ouais. Un petit peu plus Et facile à faire là, déraper. hey, Colin, oui, mais quel bonheur, là. Là, Oh c'est une vraie chorégraphie, là. Là, vraiment, là, sur une piste mouillée, sécuritaire, honnêtement, j'ai été très, très, très. Mais je suis sorti de là avec un grand sourire, là, inutile de le dire, là. Je suis vraiment sorti de là avec un grand sourire. Le bémol de la BRZ, évidemment, c'est que je connais personne que j'aie assez pour l'asseoir sur le siège en arrière. non, non. Ah, mais c'est pas pire. Je pensais que tu attirais de m'asseoir ce siège arrière, mais je suis Non, content non, non, non, d'apprendre ça. je te ferai pas ça. J'ai besoin de quelqu'un pour enregistrer le podcast. Mais non, mais sérieusement, c'est vraiment un véhicule que j'ai beaucoup apprécié, qui est très agréable, mais qui a ses bémols, évidemment. Honnêtement, la BRZ. Écoute, j'en ai pas parlé, mais je l'ai aussi essayé. La petite Impreza que j'ai testée dans les mêmes conditions, qui s'avère très agréable, très intéressante, mais je dirais un peu plus sans histoire. Tu sais, c'est une auto qui est pas impressionnante. Ni dans un sens ni dans l'autre. Elle fait très bien le travail pour lequel on l'a fait. La nouvelle Impreza est définitivement une amélioration par rapport à ce qu'elle était, mais tu sais, c'est pas l'auto qui va ni faire tourner les têtes, ni te permettre de remporter les courses. Alors, Non. dans l'ensemble, la gamme Subaru s'est considérablement améliorée au fil des ans. Et pour ceux qui ont des doutes quant à la fiabilité, je vais vous donner deux statistiques qui m'ont vraiment marqué. Selon les gens de Subaru, 50% des propriétaires de Subaru reviennent à Subaru une fois qu'ils ont vendu leur voiture. Oui, ça c'est confirmé par le vendeur qui a vendu à Subaru Legacy à mon père. Il dit lui, tout ce qu'il fait, c'est des clients qui reviennent. Il prend rarement des nouveaux clients, c'est toujours les clients qui reviennent, ses anciens clients qui viennent se racheter un autre Subaru. C'est exactement ce qu'on nous a dit et Ouais. on est vraiment dans ce mode-là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, on parlait de fiabilité selon Subaru, et ça, évidemment, je ne peux pas le vérifier. De toutes les Outback et les Legacy vendus au cours des 10 dernières années, 98% sont toujours sur la route. OK. Alors, tu sais, quand tu dis qu'en 10 ans, là, ils n'ont peut-être vendu, je sais pas, une vingtaine de mille chaque, ou peut-être plus dans certains cas, là, et 98% sont toujours sur la route. Alors, ceux qui avaient des doutes quant à la fiabilité de Subaru, je pense qu'on peut les écarter. Bien sûr, il y a des défauts. Bien sûr, il y a encore des plastiques durs par endroits. Bien sûr, il y a des systèmes que j'aime moins, comme le multimédia. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture. Si vous êtes un amateur de conduite un peu inspiré, un peu dynamique, et qui est un peu aventurier, qui aimait aller faire du ski l'hiver et tout ça, vous devez avoir une Subaru. Vous allez apprécier cette. T'sais, les gens qui achètent une Subaru, c'est un peu comme le monde qui achète une Volkswagen, hein. Ouais. On dirait que quand ils en ont une, ça fait partie d'une communauté spécifique et c'est tout à fait là qu'on est. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette conduite-là. Ouais, il se développe une fidélité pour ce genre de marque-là qui est assez intéressante. Puis je me rappelle avoir eu justement la nouvelle Impreza l'an passé pendant une tempête de neige. Ben cette année, là, au début de l'année, avec pendant une tempête de neige, puis ça a été comme la joie, là. Vraiment, là, c'est le fun dans la neige de faire déraper ça. On travaille un peu moins fort que sur une piste peut-être mouillée là, quand il y a de la neige, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à conduire, là. Fait que si vous cherchez quelque chose d'agréable puis de sécuritaire aussi l'hiver, là, une Impreza, c'est peut-être quelque chose à mettre sur votre liste de magasinage, là. Moi, j'en ai eu une pendant 3 ans. En fait, c'était plus l'auto de mon épouse. Et elle disait qu'elle souffrait du syndrome de la valise. C'est-à-dire qu'elle trouvait que la valise des autres était toujours trop proche parce qu'elle se sentait tellement en contrôle en hiver que. Et Dieu sait que c'est quelqu'un qui a peur en hiver en général, là. Mais elle se sentait en parfait contrôle au volant de sa Subaru. C'est probablement l'auto qui l'a mis la plus en sécurité, dans laquelle elle s'est sentie le plus en sécurité. Bon, ben super. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. On va faire une dernière pause, puis on va revenir avec notre bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est notre dernier bloc pour cette semaine. C'est notre bloc nouvelle. Qu'as-tu pour nous d'intéressant? Ben, en fait, plusieurs choses. D'abord, et là, je vais me faire plein d'ennemis, là. Mais tellement, là. Plus que déjà? J'entends, oh, j'entends tellement les insultes provenir. OK. Mais, Je vais essayer de me retenir. non, mais ce sera pas toi. Ah, OK. Il y a 51% de la population qui va m'haïr ou qui va trouver que je fais des jokes de macho. Mais les problèmes commencent en Arabie parce que depuis lundi, les femmes ont le droit de conduire. OK. C'était le dernier pays au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Enfin, Et je tiens à en parler parce que je pense que c'est une grande victoire, sérieusement, là. Je fais des blagues niaiseuses, mais je pense que c'est une grande victoire. Les femmes sont maintenant autorisées à conduire en Arabie Saoudite. Je pense qu'il était temps que ça Bon, arrive. ouais, c'est clair. Hein. Ça change rien pour nous autres, là. Mais je trouvais juste que, tu sais, c'était comme pas. En tout cas, bref, c'était ma niaiserie du jour. Correct. Ceci étant dit, dans les nouvelles plus sérieuses, on le sait, Mazda a toujours pas de véhicule électrique. Non, mais ça s'en vient. Ça s'en vient et ça s'en vient peut-être plus vite et dans une forme qu'on n'attendait pas. Serait-ce Puisque grâce à leur partenariat avec Toyota? Toyota et Denso. Denso. Denso, qui est une compagnie de composantes électroniques. OK. Et les trois compagnies se sont associées cette semaine pour créer une nouvelle entité corporative dont la mission est de développer justement une structure de voitures électriques. Donc, ils vont danser à trois avec Danso. C'est bon. Correct. Tu vois, ça, c'est le genre de moment dans la vie où j'aimerais tellement qu'on ait des problèmes de micro, là. Ouais, En tout on en a cas. peut-être. Là, tu sais, quand tu essaies de te reprendre sur une niaiserie pareille, c'est pas évident. En tout cas, bref, ceci étant dit, donc, il y aura effectivement une entente entre les trois compagnies. Bien sûr, Toyota, pourquoi Toyota? Parce que ils vont être là, ils vont être présents avec leur fameuse New Global Architecture, la TNGA, qui a servi de base à tous les nouveaux véhicules de Toyota, qui est ultra rigide, mais qui est surtout une nouvelle façon de construire. Okay. Denso, je te l'ai mentionné, qui est le spécialiste de la technologie électronique, donc qui vraiment travaille dans ce monde-là. Et Toyota, pourquoi? Parce qu'ils sont les spécialistes de la création par ordinateur. Mazda, tu veux dire, ou Toyota? Ouais, Parce... Mazda, excuse-moi. OK, c'est bon. Mazda, spécialiste de la création par ordinateur. Tu sais, c'est une petite compagnie qui a appris à se débrouiller autrement, je te dirais. Et donc, ces trois forces-là vont être réunies ensemble et on va faire quelque chose avec ça. Bon, l'idée, c'est qu'on ne fera pas un seul véhicule. On va faire un véhicule par bannière, on s'en doute. OK. Et on va essayer d'organiser, justement, de créer une architecture commune qui va pouvoir servir de base à des voitures électriques. Donc, OK. c'est de bon augure pour Mazda qui va enfin avoir sa voiture électrique au cours des prochaines années. Ça, parce que Mazda et Toyota travaillent déjà ensemble. C'est Mazda qui construit la Yaris pour Toyota présentement dans son usine. Fait que je dis, il y a À déjà. son usine au Mexique, C'est ça. Il effectivement. y a déjà un partenariat entre les deux constructeurs, là. Puis c'est bon pour Mazda, parce que Mazda, comme tu as dit, c'est un petit constructeur, là. Les gens pensent que Mazda, c'est gros, mais c'est tout petit, là, Oui, c'est comparativement tout petit, là. aux À autres. comparer de Toyota, on n'est même pas dans le Ah. même monde, Non, là. non, non, pas du tout. Dans la série, on a parlé beaucoup de Subaru il y a quelques minutes. Subaru va connaître les prochaines semaines fort occupées. Je les appelle pour essayer de me faire inviter, parce qu'ils vont présenter trois concepts au salon de l'auto de Tokyo. Ah, ok. Tu demanderais sur un Donc, deuxième billet en ouais, passant. honnêtement, j'ai un petit doute, Ce serait le là. fun, Tokyo. Oui, mais en tout cas, moi aussi, j'aimerais bien ça. Je suis allé deux fois, puis j'aimerais s'y retourner. En tout cas, Je suis allé pas zéro fois, grave. puis j'aimerais essayer une fois. Parce que C'est pas pour ça l'idée. non, Mais c'est ceci correct. étant dit, alors, c'est trois concepts, dont le Visiv Performance Concept, qui serait, semble-t-il, la base de la nouvelle STI. OK. Visible, on avait vu ça ailleurs, par exemple. C'est pas la première fois Visiv, qu'on on le l'a voit. vu chez nous. Ouais, Il c'est ça. était à Montréal. Ouais. Mais là, c'est le Visiv Performance. OK, Donc, c'est la OK. performance. C'est la version, si tu veux, de la. Qui pourrait être le présage de la nouvelle STI. Donc, c'est quand même, c'est pas inintéressant. OK. On dit aussi qu'on va présenter un nouveau système de conduite autonome, toujours le EyeSight actuel, mais amélioré. OK. Et enfin, l'Impreza Future Sport, une autre version 5 portes qui pourrait être performance. Donc, on est vraiment dans la performance chez Subaru cette année. On va voir ce que ça va donner pour ça à Tokyo. C'est un peu bizarre que Subaru va avec une Impreza et Performance quand que la Impreza, qui était la Performance, est devenue la WRX, un modèle séparé. Ouais. Puis là, on veut refaire un modèle de Performance avec. Ouais, mais comme la visible, c'est plus un multisegment qu'on veut Ouais. faire de performance. C'est Ouais. un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, là. Ouais, c'est ça, ouais. OK, c'est bon. BMW, on connaît bien BMW. On sait que BMW a annoncé qu'en 2025, ils auraient 25 véhicules électriques. En tout ou en partie, faut-il le préciser. Ce que ça veut dire, évidemment, tu auras compris, c'est que c'est des voitures qui sont partiellement électriques. C'est le cas de la BMW 530e qui existe déjà. Ils ont d'ailleurs créé une division qui s'appelle e-Performance. La e-Performance, c'est pas la division i, là. C'est pas la i8, c'est pas la i3, c'est pas la future i5. C'est vraiment la e-Performance. Donc, c'est celle qui réunit les voitures qui sont partiellement électriques. OK. La 530E, elle existe déjà. D'ailleurs, je vais la conduire dans quelques semaines. On en parlait hors d'onde un peu plus tôt. Mais là, elle va arriver, mais pas chez nous, pas tout de suite. C'est évidemment un concept, avec un principe de recharge par induction. Okay. Alors, au lieu d'avoir une prise branchable, tu vas tout simplement installer dans ton garage une espèce de tapis qui va être branché sur une prise 220 traditionnelle. Tu vas avancer ta voiture au-dessus de ce tapis-là et en 3h30, elle va recharger le petit moteur électrique qui délivre 90 chevaux et qui permet de rouler pendant à peu près 50 km. OK. Alors, de voir, parce que c'est bon pour commencer sur une voiture qui n'a pas une grande autonomie. Parce que le problème de l'induction, c'est qu'il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, beaucoup de chaleur qui se dégage. Ouais. Et évidemment, tu auras compris que moi, qui n'ai pas de garage, c'est un petit peu difficile de travailler avec de l'induction en plein mois de janvier. Ouais. Ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est est-ce qu'ils vont fournir le dit tapis avec la voiture? Parce que présentement, il y a des compagnies qui vendent des systèmes de recharge à induction que tu peux faire installer sur ta Volt, ta Leaf et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est comme 10 000 $ le système, là. Puis... Ouais, non, mais là, eux autres, ils disent que oui, là, le principe, c'est qu'ils veulent le fournir, okay. Et ça va beaucoup plus loin que ça, okay. Parce que pour y être admissible, il faut que ta voiture puisse le recevoir, et ça veut dire avoir un système à l'intérieur qui est un système de localisation. Okay. En fait, au lieu d'être une caméra de recul dans ton affichage, c'est une caméra qui indique un cercle bleu, et tu t'avances progressivement jusqu'à temps que le cercle bleu soit directement au-dessus du tapis. OK, c'est bon. Donc, tu as vraiment un espèce de système de guidage par l'ordinateur de bord qui va te permettre de t'aligner parfaitement pour être sûr de charger ta voiture. OK, c'est bon. Dans la série des affaires qui nous courent après, la police pourrait maintenant se doter d'un Ford F-150 Police Responder. Moi, on n'avait pas parlé déjà un petit bout de temps que ça s'en venait, non? Ça s'en venait, mais là, il est fait, il existe, il a été officiellement homologué comme tel. C'est donc officiellement un véhicule de police vendu par Ford. Vitesse maximale 160 km/h, moteur 3.5 EcoBoost qu'on connaît bien chez Ford, avec la transmission 10 vitesses, okay. 375 chevaux, basé sur la version FX4 en route. Mais évidemment, on a rajouté quelques petits détails, genre des renforcements de suspension. On a rajouté des trucs électriques et électroniques pour pouvoir brancher les appareils policiers. On a aussi installé tout ce qui va avec là, les affaires de police, là, l'espèce de grille à bœuf en avant. Là, puis, ouais, OK. Alors, mais officiellement, c'est la première fois qu'une camionnette pick-up est reconnue comme un véhicule de police en Amérique. C'est bon. Tu vois? Ouais, mais Ford a beaucoup de véhicules pour les policiers. Fait que ça rentre roule. Juste dans la... À quand la prochaine Mustang... Tu savais qu'à Hawaï... GT350, police. À Hawaï, les gens font ça avec leur propre voiture. Quoi, ça va être police? Les policiers. Ah ouais? Ouais. Oui, ils mettent une espèce de flash sur le dessus, puis ils partent après. Là. Et oui, j'ai déjà vu des Mustangs convertibles de police. OK. Ça doit être dur de faire tenir la sirène sur le toit d'une convertible. Ben, tu dois mettre ailleurs sur le métal. Ta colle sur le capot. Oui, c'est le message. Le gars, il a le toit baissé, il part avec quelqu'un, puis il se tient le bras dans les airs avec sa sirène, puis il conduit avec l'autre main. et dire que ça essaie de devenir une référence en automobile, je te jure. Tu sais, non mais quand même. Hein? Quand même. J'ai jamais dit que j'essayais de devenir une référence. J'essaie juste de pas trop déraper dans la déchéance. Ça, c'est un autre problème. Ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans la série plus sérieuse un peu, Porsche qui va présenter une version E-hybride de sa Panamera, la grande Panamera que l'on connaît, là, la voiture à haillons qui est énorme. Donc, il va y avoir une version turbo E-hybride qui va bien sûr être animée par un moteur V8 de 4 litres de 550 chevaux, mais elle va être doublée d'un moteur électrique de 100 kW. Donc, 136 chevaux de plus au total, 680 chevaux pour un 0-100 en 3,4 secondes. Mon homme, ça va te prendre une sérieuse rallonge pour être capable de suivre ça. Ouais, pas mal. Ceci étant dit, toujours dans le cas de Porsche, ils se sont associés à une compagnie qui s'appelle Dynamic. Et ils ont créé un véhicule qui est conçu pour toi. Ah ouais, quoi? C'est un bateau qui s'appelle le GT115. OK. OK? GT115, parce qu'il va en avoir... Il fait une mesure 115 pieds de long. Hein? Mm-hmm. Il va en avoir 7 seulement de construits, 16 millions de dollars. Il y a deux moteurs V12 de 1627 chevaux chacun qui, bien entendu, ont besoin d'un peu de carburant pour fonctionner. Donc, ils ont des réservoirs de 24 000 litres. OK. Ouais. OK. Mm-hmm. Faire le plein, pense-y, là, C'est un salaire annuel. En tout cas. Commence à être long aussi. Prends ton mal en patience pour remplir. Ouais, on chiale qu'il y a une voiture électrique, c'est long, mais imagine. En tout cas. Distance maximale 6300 km à pleine capacité, soit 24 nœuds, soit 39 km/h. Il y a quand même des éléments que tu peux personnaliser. C'est un design de Porsche. Il y a des éléments que tu peux personnaliser si ça te tente. Entre autres, tu peux, bien sûr, parce que c'est une Porsche, faire installer des éléments en fibre de carbone un peu partout. On te fournit même le vélo stationnaire. Le seul problème, c'est que pour avoir cette option carbone, c'est 278 000 beaux dollars. OK. C'est finalement pour le prix d'une Ferrari d'entrée de gamme, tu Exactement. Peux avoir du fibre de carbone. Okay. Exactement. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, tu sais, c'est quand même 16 millions US. Rapidement, une dernière parce que je voulais en parler. Rolls-Royce a dévoilé à Montréal sa Phantom chez le concessionnaire Rolls-Royce Montréal. Phantom qui est une voiture dont le prix de base est d'à peu près 600 000 $. V12 biturbo, 6,7 litres, 563 chevaux. Transmission ZF 8 rapports, c'est un 0-100 en 5,3 secondes. Bien que la Phantom, on le rappelle, c'est la plus grosse de toutes les Rolls-Royce, ça pèse un peu plus de 5000 livres. Bref, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas la seule chose qui m'a impressionné. On en a profité pour annoncer que l'année passée, on a vendu 45 Rolls-Royce neuves à Montréal. OK, c'est pas moi. 45. Ouais. Moi, je pensais qu'on en vendait 6 par année. À peu près, oui. Ça commence à faire pas mal de voitures. Il y a plus de gens riches qu'on pense à Montréal ou des gens très, très, très, très endettés. Oui, effectivement. Mais il faut vous rappeler qu'il y a quand même des versions plus abordables. Ça part à 300, 350 000 à peu près. Oui, t'as le terme abordable pas mal large, je trouve. Un peu. Ouais, c'est parce que j'ai vu ton chèque de paye. Fait, je me dis c'est abordable. Si, bon. Si t'as vu mon chèque de paye, je peux probablement même pas me payer un morceau d'une de ces voitures-là. Mais bon, pas grave, on va partir sur une autre tangente. Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, la meilleure façon, c'est en passant par mon blog, marcbouchard.ca, sur mon Facebook, Marc Bouchard, bien sûr, Twitter, Marc souligné Bouchard, ou Instagram, le contraire, Bouchard souligné Marc. Vous pouvez m'écrire n'importe quand, et bien sûr, à info@saroulradio.com, c'est l'adresse que l'on partage, Luc et moi, pour répondre à vos questions. Quant à toi, mon cher, on te rejoint comment? Sur Twitter, @Calazormo. Je gère aussi le compte Twitter de Ça Roule Radio, qui est à Ça Roule Radio. Donc, vous pouvez me rejoindre là. Vous pouvez nous rejoindre directement sur notre page Facebook en nous écrivant un message soit privé, soit sur la page. Puis normalement, on répond quand même assez vite. Facebook a l'air d'être fier de nous, parce que ça a l'air qu'on répond quand même assez vite. Et puis, vous pouvez nous écouter sur Google Play, sur aussi le iTunes. Je cherchais le nom du magasin de Apple. Sur iTunes, on est disponible aussi sur Radio H2O, pour Radio Internet, sur Radio sportradio.ca et sur Radio Média Plus depuis maintenant quelques semaines. Donc, ouais, ça, juste, on peut-tu prendre deux secondes pour dire félicitations aux gens de Radio Média Plus, dont c'est l'ouverture le 1er octobre officiellement. C'est une nouvelle station. En fait, ils reprennent ce que Radio Iowa avait fait pour essayer d'en créer une station complète. C'est des gens qui travaillent super fort. Depuis plusieurs semaines, c'est en onde. Mais là, l'ouverture officielle a lieu ce week-end. Très heureux d'être associé au lancement de cette nouvelle plateforme de diffusion. Oui, on leur souhaite beaucoup de succès. Donc là-dessus, Marc, merci encore d'avoir fait cette émission avec moi. Merci aux auditeurs de nous suivre et de nous endurer à chaque semaine et aussi de prendre le fait que des fois, il n'y a pas d'émission quand il est supposé en avoir une. Ça, je m'excuse encore. On est toujours désolé quand ça arrive. On fait jamais exprès. On planifie toujours une émission à chaque semaine. Des fois, il y a des choses dans la vie qui arrivent qui fait qu'on est obligé d'annuler. Mais bon, on va essayer que ça arrive le moins souvent possible. Encore une fois, merci de nous suivre, merci de nous écouter, c'est très très apprécié. Là-dessus, on se laisse puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.